Bonjour, c'est Dieu. Quand je ne suis pas occupé à ramasser les bouteilles de bière sous les ronds-points derrière les gilets jaunes, j'écoute un hymne aux mélodies. Bonjour et bienvenue dans ce 39e numéro de Animer nos mélodies. Pour commencer, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2019 qui commence. Dans ce numéro, nous écouterons ensemble une histoire de panda et d'une jeune fille qui se serait noyée quelque part en Chine dans Ranma 1/2. Nous décocherons une flèche puissante et acérée avec Robin des Bois et pour terminer, nous rendrons un dernier hommage au grand compositeur qui vient de nous quitter, Michel Legrand, à travers sa musique pour des œuvres d'animation. Thank you. Vous venez d'écouter le premier opening de la série Ranma Nimbun no Ichi, ou Ranma 1/2, le titre Jajoma ni Sasanaide, chanté par Etsuko Nishio. Saotome Ranma et son père Genma, tous deux à la recherche de la perfection de leur art martial, se rendent au terrain d'entraînement maudit de Jusenkyo en Chine. Là, malgré les avertissements du gardien des lieux, ils tombent dans des sources maudites. Désormais, chaque fois que Ranma est aspergé d'eau froide, il se change en une jolie jeune fille aux cheveux roux. L'eau chaude le change à nouveau en homme, mais seulement jusqu'à la prochaine fois. Genma, lui, se transforme en un panda, utilisant des panneaux pour se faire comprendre. Et pour aggraver les choses, son père le fiance auprès de Tendo Akane, une fille qui déteste les garçons. C'est le début d'une grande comédie où s'allie humour et baston et un peu de romantisme. Je laisse Yann Kouza vous parler de l'autrice Rumiko Takahashi dans son focus. Pour fêter les 30 ans de l'anime Ranma 1/2, produit en 1989, faisons un focus sur son auteur, la mangaka Rumiko Takahashi. Madame Rumiko Takahashi vient au monde un 10 octobre 1957, non pas par les sources magiques du monde de Ranma 1/2, mais à Niigata, au Japon. Le manga est un loisir auquel elle ne s'intéresse pas étant enfant, malgré quelques gribouillis par-ci par-là dans les marges de ses cahiers d'écolier. Quelques années plus tard, elle rentre comme étudiante dans la grande université nationale pour filles de Tokyo. Et elle fera partie des étudiants d'un cours du soir donné par un grand scénariste, très connu au Japon, Kazuo Koke, qui n'est autre que l'auteur de l'histoire de Crying Freeman. C'est à la suite d'une phrase de son mentor, « Une bonne histoire découle de bons personnages », que Rumiko Takahashi lance en 1978 son premier succès, Orotsai Yatsura, connu par chez nous sous le titre de La Mue. C'est en s'inspirant du folklore japonais, tout en mélangeant gags absurdes et jeux de mots, que sa série Orotsai Yatsura dépeint et raconte la cohabitation caricaturale de l'humanité et des aliens. En 1980, elle lance en parallèle de sa première série un autre de ses succès, ayant une histoire plus terre-à-terre, Maison et Coucou, connu en France sous le titre de Juliette Je T'aime, qui nous fera rire, pleurer et vibrer pendant 15 tomes du quotidien d'un triangle amoureux impliquant un étudiant fauché, un prof de tennis et d'une jolie concierge de 20 ans, tout cela sous les yeux des pensionnaires de la pension des Mimosas. En 1987, Rumiko Takahashi met un terme à ses deux premiers succès, Orotsai Yatsura et Maison et Coucou, pour en commencer un troisième qui aura pour titre Ranma 1/2. Après des histoires d'aliens cohabitant avec les humains et d'un triangle amoureux sur fond de comédie sentimentale, Ranma 1/2 nous raconte les mésaventures d'un jeune garçon du nom de Ranma qui se retrouve lui, son père, et toute une galerie de personnages aussi frappadingues les uns que les autres, victimes d'une malédiction qui les transforme au contact de l'eau en jeune fille pour Ranma, en panda pour son père, et pour les autres protagonistes en animal ou tout autre délire issu de l'imagination de son auteur. Après la fin de Ranma, viendra le manga Inuyasha en 1996. Riné en 2009 qui s'est terminé en 2017. On peut ajouter à sa carrière des one-shots comme La Tragédie de Paix, Le Chien de mon patron ou encore Un bouquet de fleurs rouges. Madame Rumiko Takahashi abordera aussi des récits plus sombres avec le manga Mermaid Saga qui mélangera de la romance, de l'action, de la fantaisie, de l'horreur ou de la comédie. Prochainement, Madame Rumiko Takahashi débutera une nouvelle histoire. Mais sur quel genre de récit nous emmènera-t-elle ? Je rappelle que Rumiko Takahashi vient de gagner le Grand Prix à Angoulême, ce qui permet de mettre un focus beaucoup plus important sur le manga et particulièrement sur les femmes mangaka. Ranma 1/2 est une série télé de 161 épisodes diffusée entre 1989 et 1992. Elle est scindée en deux saisons, une de 18 épisodes et une seconde, nommée Netoen, la plus importante de 143 épisodes. Pourquoi une saison de 18 épisodes, me demanderiez-vous ? Eh bien, il faut savoir que la série a en fait été annulée le 16 septembre 1989, après seulement 18 épisodes, en raison de ses mauvaises audiences. Oui, la série n'a pas été un grand succès à ses débuts. On peut facilement comprendre les raisons en la regardant. En effet, celle-ci est une belle animation, ainsi qu'un chara-design soigné, mais peut-être que malheureusement, le showrunner de cette saison, qui avait été confié donc à Tomomi Mochizuki, avait été dirigé de la même manière que Kimagure Orange Road, Max et compagnie. De ce fait, la série était certes comique, mais avec un tempo assez lent au regard du manga qui partait dans tous les sens avec un bon rythme. Il fallait donc faire quelque chose, alors que le manga marchait très fort. Un mois plus tard, la série est relancée sous le nom de Ranma 1/2 Netoen. Cette fois-ci, on y trouve des combats frénétiques, un rythme beaucoup plus dynamique, mais la série a du coup perdu en design constant et son animation devient largement moins bonne. Mais tout cela a permis à la série de gagner en vigueur et de devenir un des top hits de la télévision nippone. C'est aussi une des raisons du changement du cast sur la musique de la série. En effet, sur la première, nous y retrouvons Hideharu Mori, le chanteur et compositeur du groupe Picasso, qui a composé ici les thèmes les plus emblématiques pour moi de la série, avec des morceaux de piano magnifiques. Sa composition est assez proche du travail de Kenji Kawai, qui a lui-même rejoint le cast à partir de la saison 2. Puis à partir de la dernière saison de la série, c'est Akahisa Matsuda qui les rejoindra. Ce dernier, par ailleurs, est le plus faible de tous les compositeurs de la série. Il est à noter que pour le premier film, c'est Kenji Kawai qui nous a offert une partition génialissime, puis pour le second, c'est à nouveau Akihisa Matsuda qui reprend le flambeau, ainsi que pour les 12 OAV qui sortiront par la suite. Malheureusement, Ranma 1/2 n'a jamais eu de fin, seulement en manga bien sûr, mais en matière d'animation, c'est bien la seule série de Rumiko Takahashi qui n'a pas eu de conclusion. On se retrouve après avoir écouté quelques musiques de la série. Thank you. l'empêche avec une flèche d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin. Devenu orphelin à la mort de ses parents suite à l'incendie de leur maison ordonné par le baron Holwyn, shérif de Nottingham, le jeune Robin trouve refuge dans la forêt de Sherwood avec son cousin Will et ses cousines Winifred et Barbara. Là, il rencontre un groupe de bandits menés par Petit Jean, mais aussi le bon frère Tuck, qui les prend sous son aile. Ensemble, ils combattront le baron Holwyn et son chevalier, Lord Gilbert, qui persécutent les villageois et détruisent la forêt. Aidés de la jolie Marianne, Robin et ses compagnons essaieront d'apporter un peu de justice dans cette contrée en ces temps obscurs. Merci à Planète Jeunesse pour le résumé de cette série. On écoute l'opening japonais Woodwalker, chanté par Satoko Shimonari. Cet opening est assez mou pour un opening d'animé qui est plutôt dynamique. Leave. Cette série est une coproduction entre l'Italie et le Japon avec la société Tatsunoko. Elle a été produite entre 1990 et 1991 et diffusée en France en 1995 sur TF1, assez tôt, tous les matins, non pas dans Club Dorothée, mais dans Avant l'école. Cette série fut malheureusement mal adaptée en France pour des raisons assez stupides. De peur en fait qu'un scandale éclate parce que l'évêque de Hereford dans l'histoire tente d'épouser Marianne qui n'est qu'une adolescente. Et se transforme donc en tentative d'adoption, oubliant d'une certaine manière qu'à l'époque, c'était courant, puisque l'histoire médiévale, la vraie, nous apprend que la majorité pour les femmes était à 12 ans. Mais ce n'est pas là la première fois qu'on veuille occulter ce qui fait de nous ce que nous sommes. La musique a été composée par Yasunori Iwasaki, à qui l'on doit celle de Grenadier, Enfer et Paradis, Vendred, You're Under Arrest et Keeper de Choc en France. On écoute ce que cela donne. Michel Legrand nous a quittés ce samedi 26 janvier 2019 à 3h du matin. Les médias vont certainement parler de son œuvre pour les films de cinéma, mais aucun n'ira peut-être vers l'animation pour laquelle il a fait germer de magnifiques roses musicales. Aussi, pour lui rendre hommage, nous allons simplement écouter plusieurs œuvres. Bien entendu, je vais vous les présenter succinctement pour laisser la place à la musique. Il faut savoir que beaucoup de ses compositions ou chansons ont été créées par amour pour l'animation, car Michel Legrand a toujours aimé cet art. Sa jeunesse a été bercée par les films de Disney. D'ailleurs, il a dit ceci: « Depuis toujours, j'aime l'univers du dessin animé, car l'impossible devient possible. L'imagination n'y rencontre aucune limite, ne bute contre aucun mur. C'est l'ouverture à des mondes bien plus vastes que ceux de la prise de vue en images réelles. » Et c'est par son caractère enfantin qu'il a gardé toute sa vie, sa manière d'aborder la musique pour la rendre écoutable par tous et qui l'amènera à travailler pour le monde de l'animation. Oum le Dauphin, d'ailleurs, fait office de prélude, et c'est en 1969 qu'il a écrit et chanté, avec l'aide de Vladimir Cosma, un autre grand compositeur français, ce magnifique générique que nous allons écouter tout de suite. On l'appelle Oum le Dauphin, dans son royaume aquatique, on se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit Oum le Dauphin, de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. On l'appelle Oum le Dauphin, il est pur comme la neige, il a deux petits copains qu'il aime mais qu'il protège. Il traque, il boute, il pourfend et il défend jusqu'au bout un peu du rêve d'enfant qui vit en chacun de nous. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers, le chevalier des mers, le chevalier des mers. En 1975, Michel Legrand travaille cette fois-ci sur un autre film d'animation, La Flûte à six schtroumpfs, réalisé par Peyo lui-même, qui adapte l'album fondateur de l'épopée de ces petits lutins bleus qui rencontrent pour la première fois Johan et Pierre-Louis. Pour ce film, Michel Legrand a composé des chansons et quelques musiques pour aider à se mettre dans le bain avec l'aide de Peyo et Yvan Delporte, un autre compositeur, à partir du storyboard du film. Puis, une fois l'animation faite, il composa comme si c'était pour un film à prise réelle. Le travail fut plus que parfait pour une première fois. Ici, on a une musique recherchée et qui ose sortir des sentiers battus en utilisant du jazz swing ou de la musique moderne. Tout cela parce que la musique sert avant toute chose dans un film à servir l'image, et donc à exister d'autant plus que dans un film réel. On écoute le résultat. Thank you. En 1979, c'est avec Jean Image que Michel Legrand retravaille pour l'animation française avec les fabuleuses aventures du légendaire baron de Munchausen. Jean Image avait été très impressionné par la musique sur la flûte à six schtroumpfs. Il a donc voulu lui aussi travailler avec lui. Et encore une fois, le résultat est spectaculaire, car cette fois-ci, il transpose dans sa musique le caractère loufoque du baron, mais aussi son aventure épique, humoristique et insolite par des thèmes symphoniques. On écoute. Thank you.

envahir le monde. En long, en large et en travers, toujours répondre aux vœux des princes de la terre. Chevaucher, naviguer, décoller, s'envoler, c'est un jeu, mes aïeux, pour celui que je suis. Sans me vanter, je suis, je reste le meilleur. J'ai inventé la lampe à ressouder le beurre. J'ai ouvert l'Atlantique, découvert l'Amérique. Et colon, mon colon n'était qu'un polisson. Amis chantez, amis chantons, les aventures du baron. Amis levons nos coupes pleines aux exploits du baron de Munchausen. À cheval sur un maigre boulet de canon, j'en suis sûr, déjà franchi le mur du son. En avance souvent sur les ondes, à présent je suis resté modeste et mon cher, j'en suis fier. Tous les exploits, j'en suis capable évidemment, mais pour la joie des tout petits et des tout grands. Quand il y a de l'extraordinaire dans l'air, le baron, mon garçon, c'est certain, n'est pas loin. Amis chantez, amis chantons, les aventures du baron. Amis levons nos coupes pleines aux exploits du baron de Munchausen. Enfin, par la suite, en 1981, Michel Legrand, très ami avec Albert Barillet, se voit confier la musique de « Il était une fois l'espace ». On y retrouve ainsi la qualité musicale de Michel Legrand, à savoir un grand orchestre, des voix mélodieuses, des thèmes bouleversants, parfois jazzy, parfois électrique, parfois simple ou bien énergique. La musique que l'on va retrouver dans « Il était une fois » sont peut-être le meilleur de ce qu'a produit Michel Legrand, à la fois pour le petit et le grand écran. On écoute un medley. L'infini des prairies bleues du ciel, découvert comme un grand livre ouvert, et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace. Infini. We'll be right back. Michel Legrand continue sa collaboration avec Albert Barillet dans une autre aventure, celle de la vie. Il compose donc à nouveau en 1986 pour cette série éducative sur le corps humain et reste dans la tradition des musiques dès Il était une fois. Encore un must à écouter tout de suite. Thank you. Animez nos mélodies, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. Je remercie mes partenaires Radio Anime, Yann Kouza et Redeka, mais aussi Synthwave Radio et City Pop avec Chris Yokigami. On se quitte avec Mitch qui reprend une chanson bien connue, celle de Xor. À la prochaine fois, et n'oubliez pas que la musique d'anime, ce n'est pas que pour les Japonais. Seul contre tous, il les repousse, les sirènes.